pépite d'or. Tu dors? Tu dors, petite pépite d'or? Debout, petite pépite d'or, et pipe-moi la pine, ma lapine. Pipe-moi la pine, ma lapine. Pipe-moi la pine, ma lapine. Pipe-moi la pine comme un pipeline. Ma lapine. Pipe-moi comme un pipeau, ma lapine. Et fais pipi sur ma pine, ma petite lapine. Pisse sur les poils de mon pubis. Suis ma pine. Puante pinote, puérile. Pourquoi prendre la pilule? Pourquoi prendre la pilule? Pourquoi prendre la pilule? Pourquoi? Petite pépite d'or, pourquoi tu dors, petite pépite d'or? Bois mon blanc pétrole. Bois mon blanc pétrole. Bois mon blanc pétrole. Sou.